Ici Yannick Saint-Pierre, directeur général de Jean Dumas Ford. En mon nom personnel et des employés de Jean Dumas, j'aimerais vous souhaiter un joyeux Noël et de bonne année. Merci pour la confiance témoignée pour l'année qui se termine. Soyez prudents et au plaisir de vous revoir en 2016. Tout le personnel et la direction de BR Metal et sa filiale Aluco souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Grâce à des investissements de près de 1 200 000 l'an dernier, 40 emplois ont été consolidés dans le secteur, devenant par le fait même le chef de file dans le domaine. Joyeux Noël et bonne année de la part de BR Metal, situé au 353 rue Gustave Dessureau de Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-5888. Le son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortin du 555 de 15 secteur Mistassini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortin font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortin vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortin au numéro de téléphone 276-86-11. On va parler de football avec un jeune de Dolbeau-Mistassini qui s'est distingué l'an dernier avec les Lynx d'Alma. C'est William Saint-Pierre. William Saint-Pierre qui a été sélectionné joueur par excellence de la dernière année. On lui parle. Salut William. Salut. William, quelle saison t'as connue? Est-ce que tu t'attendais vraiment à ça? Je te dirais que non. Au début de la saison, je pensais pas qu'on allait avoir une aussi bonne saison. Okay. Mais plus l'année avançait, puis plus... Là, on se motivait, puis on s'entraînait, puis plus on devenait fort, puis j'ai bien vu qu'on pouvait se rendre loin. Okay. Puis ça a bien donné parce qu'on a gagné le ballon. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui a fait que l'équipe allait bien? La chimie, l'entraîneur, les joueurs, c'est un ensemble de tout? Ben d'un, c'était le staff d'entraîneur. Ouais. Notre staff était excellent, puis il réussissait à nous regrouper, puis à nous mettre sur la même bannière. Puis à cause de ça, on était tous solidaires ensemble. Puis la force d'équipe, ça a fait qu'on a réussi à se rendre là. Vous avez appris beaucoup au cours de l'année aussi, j'imagine aussi. Là. Et William, aussi, là, je pense que tu vas passer à un autre niveau prochainement. Tu vas jouer au niveau collégial. Est-ce que tu es courtisé par plusieurs formations? Oui, il y en a quelques-unes qui m'ont parlé, mais c'est ça, je n'ai éliminé quelques-unes avant les fêtes. OK. Puis là, il en reste 2-3 à vérifier. Je vais aller visiter. Puis après ça, je verrai laquelle qui va faire le mieux. Ou vendre du mieux le chantier. Okay. Qu'est-ce, puis, après qu'est-ce ça, qu'on dit, qu'est-ce ouais. qu'on dit, William, là, lorsqu'on essaie de te courtiser, qu'est-ce qu'on te vante? Est-ce qu'on te vante les installations, l'entraîneur, le programme de football, l'école? Qu'est-ce qu'on te vante? C'est beaucoup les installations, puis le staff d'entraîneur. Okay. Puis comment qu'on va se sentir, puis les avantages comme il y a, que c'est un terrain synthétique. OK. Tu sais, c'est plus avantageux, les notes académiques, le rendement scolaire, l'encadrement, tu sais, ils te laissent pas, mettons, tout seul, si t'as des troubles à l'école, ils t'offrent beaucoup d'encadrement pour t'aider à réussir dans tes cours. Okay. Hein. Ça, c'est, ils parlent gros de ça. Okay. Puis l'entraînement, ils ont toujours un entraîneur physique, là. Okay. Un préparateur physique qui te prépare, puis ils vendent tout leur entraîneur physique comme s'il y avait le meilleur au Québec. Toi, tu recherches quoi? Ben, je te dirais que premièrement, pour un niveau académique, je veux un cégep qui va me donner tous les outils nécessaires que je puisse aller à l'université après. Okay. Puis après ça, je vais chercher une place où il y a de la place à ma position, puis que je vais pouvoir peut-être ma deuxième année ou même ma première année embarquer sur le terrain. Okay. Voir un peu de terrain. Ta position, je pense, c'est demi-défensif, je m'abuse, hein? Oui, c'est okay. ça. OK. Les équipes, quelles sont les équipes qui t'ont courtisé à date? Là, il y a les Villozon, les Faucons. Okay. Il y a les Titans de Limoilou. Il y a les Alains de Garneau. Okay. Ça, c'est les trois équipes en D1, en Division 1, parce qu'il y a trois divisions. Ouais. Il y a Division 3, Division 2 et Division 1. Puis en D2, ben, il y a les Vulcains, Tetford Mines. Puis en D3, ben, il y a les équipes de la région. Okay. Là. Jonquet, Cougar, puis Genois. J'imagine qu'en division... T'es courtisé par une équipe de division 1? Oui. J'imagine que division 1, à quelque part, ça va, tu risques d'être moins sur le terrain. Oui, t'es moins sur le terrain, c'est sûr, à ta première année. Okay. À part si vraiment, il y a quasiment plus de joueurs à ta position, puis c'est toutes des premières années qui rentrent. Okay. Mais tu sais, t'apprends plus, puis jouer contre les meilleurs, ben ça fait... devenir meilleur. Fait que, ça, j'aimerais ça aller jouer contre les meilleurs là-bas en D1. Vraiment, le programme de football est exceptionnel. Donc, tu te vois où, éventuellement? Est-ce que tu aimerais. Quand tu vois un gars comme Shane Gauthier, qui va être repêché dans la Ligue canadienne cette année, qui était un joueur dominant avec le Rouge et Or, tu te vois comment dans ta carrière de football? C'est sûr que Shane, c'est un gros modèle. Ouais, hein? Regardez, c'est sûr que son parcours il est exceptionnel. Là. Puis, ça serait un parcours, sérieusement, que tout le monde rêverait de faire, de jouer avec le Rouge et Or, rêverait ça d'être repêché dans les Canadiens. Okay. C'est sûr que ça serait un rêve, mais ça reste à voir. Ça. J'aimerais ça jouer universitaire. Ça serait okay. Un bon bout. Les études au football, c'est très important. Au niveau académique, si jamais tu réussis pas tes cours, tu es expulsé. Comment ça va de ce côté-là? Est-ce que tu as de la misère? Est-ce que ça va bien? Parce qu'il y a des joueurs, je connais des joueurs à Dolbeau qui avaient le talent pour aller dans les Canadiens, mais ses études, ça bloquait. Est-ce que de ce côté-là, ça va bien? Ouais, non, mes études, ça va très bien. Je te dirais que, par exemple, le droit du fou, il y a un très bon encadrement académique, okay. Puis il y a un bon suivi. Fait que ça a fait que j'ai réussi mes cours, puis tout va super bien. Puis je compte continuer là-dedans, parce que c'est vrai que si on réussit pas nos cours, ils ne se font pas marquer sur le terrain. Ça donne rien d'être super bon sur le terrain quand t'es pas bon à l'école, parce que tu verras pas plus de terrain. Fait qu'il faut étudier aussi pas mal fort. Toi, t'es-tu prêt à partir de la région? T'es-tu... Je suis prêt à partir de la région, parce que les équipes D1, ça m'intéresse beaucoup d'aller jouer dans D1, là. Sont à l'extérieur de la région, sont au Québec, Montréal. C'est sûr que le programme est là, puis t'es plus suivi aussi par les équipes universitaires après, là. Ouais, t'es plus proche des équipes universitaires, là. OK. C'est Montréal, l'université, sont à Montréal puis Québec, mais sont plus proches pour venir te voir. William, le soccer, parce que moi, j'ai déjà fait plusieurs entrevues avec toi, c'était sur le soccer à l'époque. Ça dit ouais. Quelque chose encore, ou là, t'as vraiment fait ton choix? Je te dirais qu'après 11 ans, là, moi, j'en ai ma dose, mais je jouerais, mais encore juste pour le fun. Okay. J'ai goûté au football, puis c'est vraiment ça qui me passionne à cette heure-là. Le soccer, j'aime encore ça jouer, mais juste pour amicalement. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans le football? C'est le jeu, c'est la compétition, c'est l'esprit de camaraderie. Parce qu'au football, il y a beaucoup l'esprit de, comment dirais-je, de camaraderie, de... Entre coéquipiers, l'esprit d'équipe, c'est tout ça qui te fascine le plus? Ouais, je te dirais que le jeu en général, ça, okay. J'aime beaucoup ça, mais c'est surtout justement le fait que tous les joueurs, c'est quasiment tes frères, puis tu sais, t'es vraiment solidaire ensemble, ça forme vraiment un bel esprit de famille, puis c'est vraiment quelque chose de particulier à vivre. Okay. Ben William, quand est-ce que tu prévois prendre ta décision? Ça va être après fait, je vais aller visiter les cégeps, puis on va jaser. À faire avec eux autres aussi, parce que ça coûte de l'argent, ça aller au cégep. Ça va dépendre de tout ça. Est-ce qu'on t'aide? Est-ce qu'on, au niveau financier, tu dis que ça coûte de l'argent, est-ce que je connais très bien ton père, c'est des gens qui sont moyennement à l'aise, ben, pas moyennement, il faut s'entendre, là, c'est des gens qui sont quand même dans la classe moyenne, donc ils sont pas riches, ils sont pas pauvres, mais est-ce qu'au niveau, monétaire, est-ce que les écoles t'aident? Je te dirais qu'ils n'ont pas le droit de donner de l'argent vraiment de même. Ouais. Mais c'est plus, tu sais, je vais travailler, mes parents vont subvenir aussi. Puis, tu sais, je choisirais pas un gros condo. Ouais. Là. Je vais habiter avec mes moyens, puis ça va bien aller, là, j'ai aucun doute là-dessus. Puis après la saison, les coachs, ils vont m'aider à me trouver une job. Fait que je vais pouvoir travailler là-bas à Québec. Si je vais à Québec. Ça, on te promet ça, j'imagine. Ça fait partie du pitch de vente des écoles. On va t'aider à trouver une job. Ouais, okay. Déjà. Ben William, on va suivre de près ta décision et gêne-toi pas de la communiquer dès que tu vas l'avoir. Parfait, merci. William Saint-Pierre de Dolbeau, Mississauga.